On a cru autrefois que celui qui hantait la forêt de Fontainebleau, dans l'histoire de Henri IV, était un vieux chasseur forcené, venu expier ses excès. Sa version allemande fait partie des traditions et légendes du bord du Rhin. Et on voit encore à Schwarzwald, Allemagne, dans la forêt noire, cette grande étendue de montagnes forestières, les ruines d'un manoir, ou bourg, qui appartenait à un comte, riche seigneur, qui n'avait pas d'autre plaisir, ni autre occupation, que la chasse. Il passait son temps à poursuivre le gibier, dans les bois ou les terres cultivées, aussi longtemps que le jour durait. Il saccageait sans scrupule les cultures des paysans, faisant mourir de faim plusieurs paysans, par les préjudices de ces chasses absurdes. La veille d'une fête de l'église, alors qu'il chassait à son ordinaire, il s'égara en forêt sans pouvoir retracer ses gens. En vain espéra-t-il trouver quelques sentiers, à travers le bois plus sombre, parmi les ronces qui couvraient le sol, à mesure que le soleil se coucha, lorsque la lumière s'éteint sur terre. Et en pleine nuit, il se retrouva au milieu des bois. Il mit pied à terre dans une clairière afin de reprendre son haleine. Il entendit dans les feuillages quelque chose remuer. Il empoignait sa lance lorsque ses chiens coururent se cacher, en hurlant de peur. Le comte aperçut alors un homme, l'arc en main et un corps de chasse à la ceinture, à courir hors d'haleine du fond du bois, et derrière lui, une cohorte de spectres, montés à dos de cerf à 16 ramures. Ses cavaliers l'assaillaient pour groupe, de quelque côté qu'ils se tournent pour essayer de s'échapper. Et après une heure qu'ils le harassent, ça et là autour, le comte se mit à prier, le signe de la croix pour commencer à invoquer Jésus, à le sauver, et s'adressa à eux en criant, « Au nom de Jésus-Christ, ayez pitié de ce malheureux !» Tous les spectres et les cerfs disparurent aussitôt. L'homme pourchassé s'approcha du comte et dit, « Que ma rencontre te profite. Je suis ton arrière-grand-père. Comme toi, je me suis adonné sans retenue au plaisir brutal de la chasse. Comme toi, j'ai tyrannisé de pauvres paysans. J'ai fait attacher sur des cerfs, plus de 100 braconniers, en les faisant poursuivre par mes chiens, jusqu'à ce qu'ils tombent et rendent l'amant souffrant. Déchiré par mes meutes avides. C'est en punition de cette barbarie que je vagabonde chaque nuit, dans mes forêts, pour chasser par ceux que j'ai fait périr, et que je subisse mille fois ce qu'ils ont souffert. Voilà le châtiment que je supporte toutes les nuits, et cela jusqu'au dernier jugement. Rentre dans ton manoir, corrige-toi par cet exemple. Après avoir dit cela, le vieux chasseur disparut. Le seigneur du manoir reconnut la grâce immense que le ciel lui accordait. Il resta prosterné jusqu'à ce que ses gens le retrouvent, si pâle et si défait au matin, après l'avoir cherché dans la nuit. Ils voulurent le ramener à son château, mais il avait pris la ferme résolution de faire une cabane à cet endroit, et y finir ses jours même. Il distribua ses biens et son argent aux pauvres gens qu'il avait tourmentés. Il arracha ses armoiries des murs, il fit murer portes et fenêtres de son château, et détruire ses accès pour que personne ne s'en approche plus. Puis, il acheva ses jours dans une austère pénitence. Puis on laissa périr peu à peu son nom, ce qui fait que personne ne connaît plus le nom du bourg.